Le mystère de la vie et de la mort de Mata Hari, écrit par Enrique Gomez Carillo, traduit de l'espagnol par Charles Barthès. Lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre, ses premiers pas. Le premier qui parla des mémoires de Mata Hari, encore que d'une façon plutôt vague et sans indiquer seulement l'année de leur parution, ce fut le docteur Ray Makers. Ensuite, Louis Dumour écrivit en une note de son roman « Les défaitistes » sur les origines de la danseuse. On peut consulter ses mémoires publiées à Amsterdam en 1906 et qui méritent certaines confiances, quoique ayant été traitées de tissu de mensonge dans une brochure anonyme parue vers la même époque et attribuée à son ex-mari. Jusqu'à ces derniers temps, cependant, personne ne semblait avoir connu ce livre, rare comme un incunable, autrement que par les extraits dont la presse hollandaise régala la curiosité universelle en 1917, à l'occasion du procès. Mais tout dernièrement, l'érudit bibliophile Léo Faust découvrit dans un tas de bouquins, qu'il n'avait pas eu jusqu'alors le loisir de classer, un tome fort bien imprimé portant ce titre. Mata Hari, Mevr M. G. MacLeodzell. En minje grieven tegen haar vroegeren echtgenoot. Met portretten, documenten, facsimiles en biglagen. Door Atzel CZN. CLG Welt, Amsterdam. Ce qui, traduit en français, signifie « Mata Hari, Madame G. M. MacLeodzell, histoire de la vie de ma fille et mes plaintes contre son ex-mari avec portraits, documents, facsimilés et suppléments par Hatzel, CZN, CLG, Welt, Amsterdam. » Heureusement pour les historiens, ce titre n'est pas tout à fait exact. Le père de la ballerine n'est pas l'auteur de ses mémoires, quoi qu'il semble vouloir dire. Il en est tout au plus l'éditeur et le commentateur. Du reste, il confesse dans une note préliminaire « Ma fille a écrit entièrement les premiers chapitres de cet ouvrage. Les derniers, le temps lui manquant de les mettre elle-même au point, elle me les envoya d'Amérique avec prière de les terminer. » Telles quelles, les pages authentiques présentent à mon avis un intérêt de sincérité, d'orgueil, de fraîcheur, dont les discours paternels sont totalement dépourvus. Notez, je vous prie, que je connais l'ouvrage uniquement par une traduction fort abrégée, scrupuleuse sans doute, mais qui manque des détails constituant le charme véritable des confidences de ce genre. « J'avoue, dit l'autoresse, en commençant d'écrire à bord du paquebot qui l'emporte vers New York, en quête de fortune et d'aventure, j'avoue que je ne suis pas née à Java. Je vis le jour à Leeuwarden, le 7 août 1876. Mon père était un commerçant très connu de la Frise, ma mère une grande dame aussi belle que riche. » Puis, s'attendrissant, elle évoque les souvenirs de son enfance dans le château de Kamingastadt et se délecte à nous parler gentiment de ses blondes petites amies, parmi lesquelles la préférée semble avoir été une délicieuse poupée aux yeux de porcelaine de Delft, aux lèvres gourmandes de baisers nommée Marie Star Bussmann. Cette existence paradisiaque est tout à coup interrompue par la main brutale du sort qui, en 1890, prive la fillette de son adorée petite maman. L'honorable veuf Zell ne peut songer à éduquer évangéliquement lui-même sa fille. Il l'envoie donc dans un couvent modèle afin qu'en attendant l'âge du mariage, elle reçoive une éducation digne de sa fortune et de son rang. 4 ans plus tard, pendant les vacances, la jeune fille fait la rencontre de son futur mari. Ce n'est plus tout à fait un jeune homme, mais il porte l'uniforme de capitaine avec une telle désinvolture, avec une telle élégance, qu'il fait tourner, sinon perdre, la tête aux jeunes Hollandaises qui le voient passer dans les rues de La Haye. Mata, ou pour mieux dire Marguerite Gertrude, l'aperçoit et l'aime. Son âge même, dit-elle, me le rendit plus adorable encore. Et le 30 mars 1895, le mariage a lieu à Amsterdam. Les nouveaux époux, après un copieux repas auquel prirent part les journalistes les plus distingués de la métropole néerlandaise, courent passer la lune de miel dans un discret chalet de Wiesbaden. Ainsi termine le chapitre premier, le seul de tout l'ouvrage où il n'y ait guère que joie et sourire. Le second, qui commence dans un de ces intérieurs de pénombre où les peintres de l'école de Rembrandt se complaisent à grouper leurs personnages, pourrait s'intituler « L'apprentissage de la douleur ». Tout en effet semble conspirer pour faire souffrir la pauvre enfant, qui a mis sa fortune, ses illusions et sa beauté à la merci d'un homme sans cœur. Tante Frida, veuve du notaire Volsing de Loporsund et sœur du capitaine MacLeod, est la véritable maîtresse dans la maison où le couple s'est installé à son retour de Wiesbaden. Et elle est si insupportable, tante Frida, en son travers de se mêler de tout et de tout critiquer, qu'au bout de quelques mois, Marguerite Zell et son mari se décident à louer un appartement pour eux seuls dans un des quartiers les plus neufs d'Amsterdam. Alors, mais comme un éclair, le bonheur illumine à nouveau ce foyer. Le mari présente sa femme à la cour, où fait sensation l'étrange beauté de cette frisonne qui, par un inexplicable mystère, a un visage d'hindou. Ses yeux de feu qui, au témoignage de tous ceux qui les connurent, conservèrent jusqu'à la fin de sa vie un magnétique pouvoir de fasciner les hommes, devinrent bientôt célèbres parmi l'aristocratie. Mata Hari se souvient avec joie, avec orgueil, du jour où elle eut l'honneur de s'incliner devant leur majesté. Puis, sans grande tendresse, elle parle de la naissance de son fils Norman, qui vint au monde en 1895 et qui mourut 3 ans plus tard, empoisonné par une servante javanaise. Hélas, cette maternité sur quoi elle avait compté pour rendre plus étroit, plus doux, plus tendre le lien conjugal, ne sert qu'à le desserrer davantage et à éloigner complètement le capitaine du chemin du devoir. Hors de chez lui toujours, toujours en compagnie de libertins et de gourgandines, toujours prêt à jouer ce qu'il possède, voire ce qu'il ne possède pas, cet homme finit par se ruiner et par ruiner sa femme. À ce point douloureux de ses confessions, la ballerine, en un sursaut de fierté, se révolte contre les humiliations subies et rappelle qu'elle est née non seulement riche, mais noble aussi, et que son mari n'a pas contracté en l'épousant une mésalliance. « Ma grand-mère, dit-elle, était la baronne Margareta Winibergen. Il est vrai que le capitaine MacLeod, de noble origine également, est neveu d'amiral et que sa famille remonte à la plus glorieuse époque de l'histoire d'Écosse. Mais tout de même, ni cela ni rien ne lui donne le droit de traiter une riche héritière de bonne maison comme une servante. Et encore, une servante, si humble soit-elle, on ne l'envoie pas chez des amis emprunter de l'argent en lui ordonnant de faire, si besoin est, pour l'obtenir, litière de toute pudeur. » Et Mata Hari cite certain M. Kalisch, grand admirateur de ses yeux, chez qui elle dut aller pour lui soutirer certaines sommes destinées à son mari. « Mais, ajoute-t-elle, j'obtins quelques billets de 1000 sans avoir à être infidèle. » Après cette finale douloureuse du chapitre second, nous nous trouvons tout d'un coup à Java. Le capitaine y commande un bataillon de réserve et la future étoile des music halls européens met au monde sa fille Jeanne-Louise. Le chapitre 4 relate la tragédie de la mort du petit Norman. Cette histoire, ceux qui ont créé la légende d'une femme fatale et sanguinaire, espionnant pour le seul plaisir de contribuer à des hécatombes, la racontent à leur façon, en l'ornant d'un épilogue romantique. Selon eux, quand Marguerite Gertrude apprit, grâce aux révélations d'un sorcier, que son enfant avait été empoisonné par une de ses servantes indigènes, elle se hâta de se faire justice sans recourir aux tribunaux en étranglant de ses propres mains l'empoisonneuse. Dans ses mémoires, on lit cependant que la malheureuse mère en apprit la cause véritable de la soudaine maladie qui enleva si vite son Norman que lorsque la servante qui avait administré le toxique confessa son crime sur son lit de mort dans un hôpital. Après cette tragédie, les époux MacLeod s'en vont habiter Benjoberoe, près de Semarang. Là, ce n'est plus elle qui est jalouse, c'est lui. Mais elle nous l'assure, du moins, cette jalousie est infondée et elle prétend le démontrer en soulignant que plus tard, au cours de son procès en divorce, on ne peut rien alléguer contre sa conduite d'alors. Au chapitre 5, la vie devient chaque jour plus odieuse à cette femme qui se trouve loin de sa patrie, sans appui, presque sans relation, entièrement livrée aux caprices brutaux d'un homme immoral et sans cœur. « C'est à Benjoberoe, écrit-elle avec une sécheresse, où se devine la rage de son cœur humilié et ulcéré, que mon mari me cravacha pour la première fois. Dans les lettres qu'à partir de ce jour elle écrit à son père, les plaintes à propos de mauvais traitements deviennent si fréquentes et si graves que M. Zell ne peut plus se contenir et adresse une plainte formelle contre son gendre à la justice de Java. En même temps, il conseille à sa chère Marguerite de tâcher à avoir des témoins des coups qu'elle reçoit afin de pouvoir demander le divorce. Au lieu de se calmer, le noble militaire s'emporte en apprenant ce qui se trame contre lui. Ce n'est plus de sa cravache qu'il menace sa femme, mais de son revolver. Et dans une lettre datée du 3 août 1901, la pauvre épouse narre une scène au cours de laquelle son sauvage tyran, après lui avoir craché au visage, après l'avoir traîné par les cheveux, tint un long moment son revolver armé braqué sur elle. Ici, elle ne cache pas le motif de la scène. Son bourreau, épris d'une autre femme, veut recouvrer sa liberté coûte que coûte, voire au prix d'un assassinat. « Lui-même me l'a avoué, ajoute-t-elle, en m'avertissant que si nous ne divorcions pas au plus tôt, il me fera crever. » Vers la même époque, sa fillette contracte une horrible maladie de la peau qui lui couvre de taches tout le corps. Les Hollandais de la colonie apprennent enfin ce qui se passe dans le foyer de l'officier et ne cachent pas à celui-ci le mépris qu'il mérite. L'existence devient impossible pour le ménage dans un milieu aussi étroit où tout le monde se connaît. MacLeod, passé dans le cadre de réserve, décide de retourner à Amsterdam. Le chapitre 6 nous conduit aux portes du palais de justice de cette ville où est engagé le procès en divorce à la requête de l'épouse. Nous sommes au dernier jour de 1901. Se haïssant, les étranges conjoints continuent de cohabiter et s'installent même de rechef chez la bourgeoise et détestable tante Frida. Mais au bout de quelques semaines, les scandales que provoquent les souleries incessantes du mari les obligent à chercher un refuge plus discret dans Van Breestraat, numéro 188. Les coups pleuvent. Dit un de ses biographes, résumant en une phrase lapidaire les confidences de la ballerine. Puis il ajoute, le 26 août 1902, MacLeod sort, soi-disant pour mettre une lettre à la poste, et emmène leur fille malade. Il ne rentre plus. Matahari, folle d'angoisse et de pressentiments, à bout de ressources, ne sachant où chercher son enfant, sans argent d'ailleurs, vend quelques effets à un brocanteur et s'en va chez sa tante, la baronne Swerts de Lande, épouse du banquier Gottfried à Arnhem. Par l'intermédiaire du procureur maître Edouard Philips, une demande de divorce est déposée à Amsterdam le 27 août. Le livre contient la copie de cette requête ainsi que copie du jugement 30 août 1902. autorisant Matahari à aller habiter avec sa fille chez sa tante à Arnhem, sans être tenue d'y recevoir son mari, condamnant le mari à payer une pension de 100 florins par mois et autorisant la femme à présenter une demande en divorce. Pas une seule fois MacLeod, qui a installé tout de suite une jeune femme chez lui dans la Van Breestraat, n'a payé les 100 florins. Au chapitre 7, nous notons que MacLeod, quoiqu'ivrogne invétéré et à demi-fou, connaît à fond la mentalité hypocrite et pharisaïque de ses concitoyens. Payant d'audace, en effet, il fait paraître dans les journaux un avis aux commerçants qu'il ne paiera pas les dettes de sa femme qui a quitté de son plein gré le domicile conjugal. Aussitôt, les dames puritaines du quartier ferment leurs portes à la malheureuse Marguerite. Et le pis est que sa propre tante, la vertueuse baronne de Lande, l'a prie de quitter la maison. Le 10 décembre 1902, l'héritière du riche négociant Zell se trouve dans la rue, sans vêtements, avec sa fille et pour tout pécule, la somme de 3,5 florins. Que fait pendant ce temps le père de la future étoile? Jusqu'à présent, nous ne l'avons vu donner signe de vie en aucun des moments où son intervention eût pu paraître providentielle. Mais tout à coup, nous retrouvons l'abandonné dans la maison paternelle à La Haye et nous l'y retrouvons se préparant à danser au théâtre. Grâce au conseil et à l'aide pécuniaire de M. Zell, dit Léo Faust, Matahari débute à Paris en 1903.